Imagine-toi les poches vides et le ventre qui gronde. Vivre dans un pays où ton cas est le cas de tout le monde. Imagine que t'as 9 ans, que t'as pas de toit, t'as pas de droit, t'as pas de père. T'as plus le choix, tu vis, tu pries et tu espères. Imagine-toi te réveiller enfant, il pleut des cordes. T'es à peine debout quand la rivière d'à côté déborde. Et ta vie bascule, le grand fa court vers toi. Tu n'y peux plus rien mais tu cours à droite, tu cours à gauche, tu cours et tu cours encore. 4 tornades ont frappé Haïti, on a moi. Et nous, on pense à nous. On reste que scotché devant un écran avec 2 canettes de bière et à moitié sous. Et on pense à nous, et à nos petits soucis. Hey Ginette, tu vois tu me fais une petite saucisse. Tu vois, c'est pourquoi les gens sont gore, s'entretuent et s'entredévorent. La brutalité.